Eh bien bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour l'émission Cold to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux comme Brazil, City Life, Morgan Heritage, Cadillac, Breed, Cartel, Bob Marley, sans oublier Damien Marley et So Height. Allez les amis, commençons avec le premier chanteur qui s'appelle Brazil. La chanson est sortie en 2018 et elle s'appelle Double Up. Eh bien voilà les amis, c'était Jab Double de Brazil. Allez, je propose qu'on continue avec un chanteur très talentueux qui se nomme City Life. Il va chanter la chanson Revolution. Vous allez voir, c'est juste super. Too many things that I could do with my time, and I don't wanna feel this confined to city life, to city life, to city life. I can't avoid this feeling, another siren sounds. The last straw, I'm leaving. It's time to leave this crowd. In fact, I might go first thing in the morning to lay low. I gotta get out of here for real. Yeah, that sounds good to me. I find some cleaner air to breathe. Ah, yes, get away from everything. Never ever ever felt like this. Yeah, that sounds good to me. I should pack up and find my way under the stars or roll a sack up and find some peace and quiet, get my spirits back up. Breathe in the oxygen, I'll find a place to shack up. That'll keep me on track, my friends to get back. The things that I lack to get back. The things that I lack. Yeah, that's it. In fact, I might go first thing in the morning to lay low. I gotta get out of here for real. Out of here for real. Yeah, that sounds good to me. Find some cleaner air to breathe. Yes, get away from everything. And never ever ever felt like this. Yeah, that sounds good to me. Find some cleaner air to breathe. Yes, get away from everything. And never ever ever felt like this. I don't wanna be waiting in line. I got too many things that I could do with my time. And I don't wanna feel this confined to city life, to city life, to city life. Et bien voilà les amis, c'était City Life. Allez, la chanson suivante se nomme Reaganite et le chanteur se nomme Morgan Heritage. Everyone take a load off. Gonna make a dance. Hear the sounds and feel the vibe. Feel the vibe. Oh, yeah. Feel all right. Come on, man. It's reggae night. Everyone is jamming, feeling right. Sing it up, oh. Reggae night. We're dancing right into the morning light. Sing it up. Hello, my friend. I'd like to get in there. It's good reggae music. I can hear it is Morgan Heritage. I need to get in there. How much will get in there tonight? $6? This for $6? I got $2. I got $2, man. I need to be in there. Reggae night. Reggae night. Every district, girl, cream, caramel, some of them are chocolate. Reggae music, I play and everybody want it. So every DJ and Zion in the party. I'm a day with my shorty. Throw the rock straight till the morning. So you know what is a reggae vibes party. Reggae night. Reggae night. Everyone is jamming, feeling right. As you're feeling the wave, let your stress come down. Cause this is the vibe that would change the mood. So kick your shoes off and bust the move. You shake a little bit of this, a little bit of that and mo. Tell your baby girl, let's hit the dance floor. Cause when we turn up, you know we ride and roll. We all the way up, reggae night, locked and low. Reggae night, reggae night. Allez, mes Rasta, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on passe à un chanteur qui se nomme Cadillac. Je vais vous faire découvrir l'une de ses chansons qui se nomme Yo, allez. Toro, valise même. J'aime te dire, là, papa, m'obliger à aller. Aller qui côté. Bon, gardez-moi même la capacité à que plusieurs récoltes maïs que me perdit. Gardez-nous, m'a persévéré jusqu'à ce qu'il y ait pour y aurait les nèg maïa, hein? Pays à même même. Là nous toute une cité comme ça, comment? Qui est-ce qui a développé? Peut-être l'a développé. Bon, on dit que c'est musique manouille. Pour qui ça ou pas font musique pour encourager mon yorété pour y bail développement. Ou pas bon pas faire. Elle reste. La fin noyée, corruption a multiplié, prostitution a développé. C'est nous fonds des Nations Unies. Gardez Kounia nous désunis. Ils ont fait la force, mais qui ça qu'elle définit? Si nous voulons sauver la vie, il est pour guérir. Tout temps en fin passé, y aller, y aller, y aller. Tout j'ai vu nous gaspiller. Après jeunesse, la vie noyée. Corruption a multiplié. Prostitution a développé. Nous autres n'en baissons trier tout le temps son lave mais si et à peine toujours préplié comme si manger plié pour j'en sais nous débrouiller pour qu'il toujours les résilier. Si moi d'abord pour moi parler tout vert tout fait j'en critique nous parler tout cadre tout fait c'est comme ça non bouge pas les mentales y'a pas même fait élémentaire. Si moi d'abord pour moi faut être tout type à ma sève y'a mettez sous côté nous taper à sève qu'elle va t'assi pas tes douleurs mes amis gardons douleurs. Yo allez, yo allez, hey, c'est la vie aller chercher professionnel yo finale. Yo allez, yo allez. Yo allez, yo allez. Qui est-ce qu'on capait penser? bien voilà les amis, c'était Cadillac. Allez, passons maintenant avec un autre chanteur qui s'appelle Vibes Cartel. La chanson se nomme Underwater. Je vous laisse écouter, on se retrouve juste après. Bended, you feel bang it again. And if you take it as a door, you slam it again. Bubble, bubble, till long, then I show my head. Bubble, bubble, till long, then I rip my bed. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. La, love it when you take it and you take it. Sit down pan the mat, it vanish like a magic. Skip it and you happy if you sell, you make a profit. Up in the attic of the tower, we go at it. Good thing I am a swimmer, so damn the aquatic. Can you so erratic, keep us so you give me graphic. And the yo, in a every little topic. And me wish me coulda take you put in a me pocket. Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. Just strip tonight, fit take tonight. You arrive and it and dive. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. In a the river, but me never go see no fish. Let me tell you something, girl, a son you flourish. Come ya feed the carrot if it make your body nourish. Some a say a pleasure, some a them a say a punish. Hell, boy, you loco, loco, that a chicken in a Spanish. You no chicken, let me just a sit down and a labrish. Remember, say me tell you, say you better than the average. If me tell you supervise, can you manage? Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. Just strip tonight, fit take tonight. You arrive and it and dive. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. La, love it when you take it and you take it. Sit down pan the mat, it vanish like a magic. Skip it and you happy if you sell, you make a profit. Up in the attic of the tower, we go at it. Good thing I am a swimmer, so damn the aquatic. Can you so erratic, keep us so you give me graphic. And the yo, in a every little topic. And me wish me coulda take you put in a me pocket. Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. Just strip tonight, fit take tonight. You arrive and it and dive. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Bang it again, bang it bended, your feet bang it again, bang it bended, bang it again. Bubble bubble till long, and I show my head. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette chanson, mes Rasta. Allez, notre prochaine chanson s'appelle What's Rock Reggae. Elle est chantée par le grand Bob Marley. Vous allez voir, c'est de la bombe. Reggae music. Les amis, c'était Bob Marley. Allez, content de vous présenter avec notre avant-dernier chanteur qui s'appelle Damien Marley, donc son fils. Il va nous interpréter la chanson Road to Zion. Vous allez voir, vous allez adorer. Et bien voilà les amis, c'était Damien Marley, Road to Zion. La dernière musique se nomme So Hard. Elle est chantée par Revolution, vous allez voir. C'est juste superbe. Cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fat Jet, salut tout le monde. Planet Earth in a place, catch a vibe. Iron, lion, watch me levitate. Now I did it good, representing for the greats. Marijuana, I love it to my death. Cause I'm from Amsterdam, so there's S on my breath. Never fuck with them, we only blow dank. I supply vaporizer, it's time to elevate, yeah. Who's got the herb when I'm dry? I wanna get so high. Yeah. Who's got the herb when I'm dry?